On a parlé tout à l'heure des liqueurs. Au niveau des vins, tu fais des choses. Alors, je fais du vin de cerise. Oui. Oui. Quand je suis venue ici, qu'il y avait beaucoup de cerisiers, donc c'est qu'il est facile à faire avec les feuilles des cerisiers. Oui. Donc ça, moi, j'en fais régulièrement, tu puis je les garde dans du longtemps. vin. Je mets 40 feuilles de cerisier, donc, avec pendant 40 jours, avec 40 morceaux de sucre, dans un litre de bon vin rouge, avec un verre d'alcool blanc, et puis une gousse de vanille. Voilà, je la connais par cœur, parce que... 40 morceaux de sucre dans un litre de vin. Oui. Ça doit être sucré, non? C'est assez sucré. Oui. Ça fait un peu genre... vin pour vieille dame, quoi. Ouais. Mais c'est assez bon. Oui, je pense qu'on pourrait mettre moins de sucre. Sans doute, ça serait peut-être aussi bon. Ça me semble un peu sucré quand même. Mais bon, c'est peut-être pour ça que ça se conserve très longtemps. Je le mets au frigidaire. Et ça se conserve très très longtemps. Les histoires de 40 jours, 40 feuilles, etc. Tu as une idée de ce que ça peut vouloir dire? Ben non. Justement, je me demandais ce que ça peut vouloir dire. T'as jamais essayé de moins longtemps? Non. Parce que ça me semblait être bien. Comme... bien, 40 jours comme ça. Oui. Mais sans savoir, non. Sans imaginer pourquoi. Non. Donc ça, et puis alors par exemple quand je fais la confiture de périote, donc que j'aime beaucoup, et bien souvent il y a beaucoup de jus. Comme je ne veux pas mettre du gélifiant, ou je mets des fois de l'agar-agar de temps. Mais j'enlève un peu du jus, et puis comme ça me fait du sirop. Ça c'est délicieux. Je rajoute un peu de sucre et puis... Il se conserve bien. Mais au frigidaire, pas trop longtemps quand même. Enfin, je pourrais faire conserver si je le faisais stériliser en fait, et puis si je mettais assez de sucre. Et ça c'est un truc super. D'ailleurs, je crois que cet été, je sais ce que je vais faire. Je vais en faire stériliser.